Je nourris mon esprit de la marche pour la survie. Je façonne à mon rythme les rêves enfuis dans mon cœur depuis des millénaires. Je partage cette richesse avec le travail de mes mains. Je veux te partager tout le respect que j'ai pour la terre. À travers cet animal, j'ai connu la liberté, la vraie richesse de l'homme. J'ai marché en suivant ses traces. Il m'a fait découvrir la terre. J'ai glissé sur des rivières, remontant sans cesse pour ne pas perdre le temps et jouir de la vie. À Tirk, j'ai un immense respect pour cet animal qui m'a fait marcher à travers le temps, qui coule comme une grande rivière, la source de mes rêves. Je travaille de mes mains en sculptant la vie de mes ancêtres, une richesse inestimable. Regarde avec ton cœur et nourris ton esprit pour que ta mémoire embellisse la terre qui nous a vus grandir. Je cours après la vie pour ne pas oublier de vivre comme me l'ont appris mes ancêtres. Avec cette voix silencieuse, audacieuse comme la rivière, insurmontable comme la montagne. J'ai appris à parler dans la langue de ma mère la terre pour te faire goûter la beauté sacrée d'une seule et même vérité. Je déroule pour toi la carte de la vie qui n'a point de frontières. Les seules frontières qui existent sont invisibles à mon cœur. La seule musique que j'entends, c'est l'écho de ma voix parmi le grand silence de la forêt.